Voici votre plus récent bulletin d'information de sport local et régional. Et de grosses nouvelles ce matin, on va parler d'abord de Valérie Maltais qui est devenue la première patineuse au Saint-Lac-Saint-Jean à se qualifier pour l'équipe canadienne de patinage de vitesse longue piste. La patineuse de la baie a terminé au premier rang au 1500 mètres et au deuxième rang au 3000 mètres et elle s'est classée pour les championnats du monde qui auront lieu en Allemagne du 7 au 10 février prochain. Maintenant, on va parler de hockey. Victoire de des Jets de Winnipeg 7 à 4 hier contre l'Avalanche du Colorado. Dans le match, Samuel Girard a été blanchi et a joué pendant 20 minutes 5 et 56 secondes et a terminé le match à plus 1. Maintenant, c'est sous la présidence d'honneur de Jory Lepage de la boulangerie Lepage qu'aura lieu le tournoi Midget d'Alma. Cette année, il y aura 34 équipes qui vont se disputer le tournoi qui va débuter la semaine prochaine, soit 11 équipes dans le 2A, 14 dans le 2B et 9 dans le juvénile. Et comme à tous les mercredis, je vous donne le classement POC selon le site internet classementpoc.com. Donc on retrouve au niveau Bantam, les Rapides de Boumsisny au 23e rang, les Ambassadeurs de Chibougamau au 58e rang. Au niveau Midget, les Castors de Delbeau sont au 32e rang, les Ambassadeurs de Chibougamau au 54e rang et le Marcos Pop de Saint-Félicien sont au 70e rang. Et au niveau Junior, on retrouve les Éperviers Normandins qui sont en 18e place. Je vous invite à écouter la section entrevue de danradiosport.com. Hier, je me suis entretenu d'abord avec Caroline Delisle, où on parle évidemment de la performance exceptionnelle de Bianca Andreescu. Et aussi, vous pouvez écouter une autre entrevue que j'ai réalisée également hier avec Billy Wallet du site internet leblitznfl.com, où on parle évidemment de la victoire de Clemson contre Alabama 44 à 16. Ça se déroulait lundi soir en Californie. Sport local et régional. À danradiosport.com, on s'en occupe.